Les nuits de France Culture, deuxième nuit spéciale, héros et lecture d'enfance. Et s'il y a un héros qui fait rêver les enfants et les préadolescents, et les adolescents, et puis les adultes de tous âges qui veulent retrouver l'émotion, le suspense qu'ils ont savouré naguère, ou jadis, c'est bien Michel Vaillant. Alors, retrouver ce plaisir et cette émotion, et puis les poursuivre, les prolonger, les enrichir, puisqu'il y a de nouveaux albums qui paraissent. Mais nous allons parler de tout cela, puisque, d'ailleurs, dans le journal Tintin, lors de la parution en feuilleton, on ne parlait pas des aventures de Michel Vaillant, mais bien des exploits. Et puis, s'il y a un exploit, eh bien, c'est bien celui de Michel Vaillant, parce que 60 ans après sa création par Jean Graton, eh bien, il est toujours vivant, il est dans la course, il y a des piles de livres, d'intégrales, de nouveautés, d'hommages, de versions noir et blanc extraordinairement belles. Grâce à vous, en somme, Philippe Graton. Bonsoir. Bonsoir. Alors, oui, vous êtes le fils de Jean Graton, et c'est vous qui avez pris la suite pour le scénario, il y a déjà presque une vingtaine d'années. Oui, en effet, oui. Voilà. Et là, vous signez avec Denis Lapierre le scénario du tout dernier Michel Vaillant, qui s'appelle Collapsus. Bournier Beneteau sont au dessin. Alors, Michel Vaillant, c'est une histoire de famille, évidemment, pas seulement parce que vous, Philippe Graton, vous signez le scénario aujourd'hui, mais parce que Michel Vaillant, tous ces lecteurs le savent bien, qu'ils aient été des lecteurs à la fin des années 50, au début des années 60, et puis voilà, je ne vais pas égrener toutes les décennies suivantes, mais ils savent bien qu'il y a une famille, des parents, un frère, bientôt une belle-sœur, ensuite un neveu, etc. Enfin bon, voilà. C'est assez rare quand même, non, c'est Philippe Graton, dans la bande dessinée. C'est rare, je pense que c'est la seule série à ma connaissance, ou du moins la première au moins, où le héros s'est pas retrouvé tout seul, sans attache, tombant de nulle part, mais dès la première planche du Grand Défi, dès la première planche de la première histoire, entouré totalement d'une famille, dont chaque membre a un rôle. Et je me souviens que c'était une chose extrêmement caractéristique de Michel Vaillant, dont aujourd'hui dans l'écriture des scénarios, on doit évidemment tenir compte, et je dirais que c'est même un des axes majeurs. Mais c'était aussi, pour mon père, dans les années, à la fin des années 50 et dans les années 60, un véritable combat, parce que il était interdit de dessiner des femmes dans la bande dessinée et dans l'hebdomadaire Tintin. Il n'y avait pas de femmes, vous pouvez consulter des Tintins de l'époque, voilà, à l'exception de la Castafiore, mais qui était... voilà, qui n'est pas, pas une image presque un remède, ouais. Voilà. Mais à l'époque, c'était une consigne, et mon père s'est battu très tôt contre ça, parce qu'il voulait cette notion de famille, il voulait intégrer des femmes, et puis pas seulement des belles plantes pour décorer, mais leur donner des véritables rôles, ce qui est le cas encore et toujours maintenant dans la nouvelle saison de Michel Vaillant. Alors, la nouvelle saison de Michel Vaillant, c'est anormal, parce que c'est normal, on est en 2016, voilà, il serait impensable qu'il n'y ait pas de femmes dans les bandes dessinées. Les lecteurs sont habitués. Les lecteurs, les petits enfants, les petits garçons, c'était quand même très masculin comme lectorat. Ils avaient une famille, par chance. Et donc, ils étaient étonnés de voir des héros qui n'avaient jamais de parents. On sait bien que tout le monde n'a pas la chance de... etc. Mais quand même, ils étaient contents de se retrouver, de pouvoir s'identifier à une autre famille. Évidemment, je pense que si 60 ans après, Michel Vaillant tourne toujours, ce qui est un succès presque incroyable dans l'histoire de la bande dessinée, c'est une des raisons. C'est une des raisons, c'est que le lecteur qui rentre dans les aventures de Michel Vaillant, il rentre dans une famille, il s'y attache et ça devient la sienne. Et je pense que c'est dans la fidélisation des lecteurs et dans le charme que ça opère même sur les jeunes et les nouveaux lecteurs qui découvrent la série aujourd'hui, c'est important, ça a un vrai rôle. Alors on parle souvent dans les exploits de Michel Vaillant du père Vaillant. Alors on dit attention, si on ne gagne pas la course, le père Vaillant ne sera pas content, etc. Est-ce que le père Jean Graton, Philippe Graton, a été quelqu'un comme ça d'inquiétant, qui a effrayé dans votre enfance et puis maintenant qui vous oblige à être au top finalement? Oh non, c'est drôle parce que d'un côté, oui, il y avait cette culture de familiale, et puis on se rend compte qu'il y a en fait des analogies entre ce qui se passe dans la famille Vaillant, dans la fiction, dans les BD, et puis ce qui s'est un peu passé, on va pas dire dans la famille Graton, mais du moins entre mon père et moi, c'est quand même Michel Vaillant, c'est l'histoire depuis le départ, depuis le Grand Défi, c'est l'histoire d'un homme qui a construit ses automobiles et sa marque automobile. Il a deux fils, il les met à son service. Il y en a un qui freine un petit peu plus tard que l'autre, donc celui-là sera l'ingénieur, et l'autre, Michel Vaillant, sera le pilote. Et il consacrent toute leur vie à cette épopée extraordinaire qui traverse toute l'aventure automobile, mais pas seulement sur les circuits, pas seulement le sport automobile, mais tout ce qui est la technologie, tout ce qui est l'aspect industriel, tout ce qui est l'aspect du design et de ces choses-là. Et donc, c'est vrai qu'il y a ce rapport père-fils qui... Alors, quand on fait le parallèle aujourd'hui, c'est vrai que c'est amusant parce que j'ai repris, moi, les scénarios de Michel Vaillant par accident, en fait, dans les années 90. Et c'est vrai qu'après, un peu comme Jean-Pierre Vaillant que comme Michel Vaillant, c'est-à-dire celui qui gère en fait les choses, j'ai eu cette partie de devoir, entre guillemets, puisque j'ai même créé la Fondation Jean Graton pour préserver l'œuvre et tout ça, mais que j'ai fait avec énormément de plaisir. Donc c'était pas du tout un patriarcat de quelqu'un qui mettait une pression ou qui exigeait des choses. Mmh. Voilà, ce qui a été fait, a été fait par choix et par passion. Et le respect familial, le respect filial, l'amour paternel, c'est des thèmes qui se trouvent dans toutes les aventures, dans tous les exploits, de Michel Vaillant, donc grand coureur automobile, parce qu'après tout, il y a peut-être des auditrices et des auditeurs qui ne connaissent pas Michel Vaillant. C'est étonnant, mais... En Papouasie-Nouvelle-Guinée, il y en a quelques-uns, mais... On est reçus là-bas, vous savez, il podcaste beaucoup. Alors, donc, c'est quand même cette relation familiale avec un Michel Vaillant qui est un héros, mais qui n'est pas un rebelle du tout. Ça raconte quand même l'histoire de certains Français des années, alors fin 50 et surtout des débuts 60. Il y a un petit côté sociologique comme ça. Vous parlez des décors, de la ligne des voitures, oui, alors, mais ça raconte aussi beaucoup l'époque. Si on veut savoir ce qu'était la France des années 60, par exemple, on se plonge alors dans là, l'intégrale des premières aventures de Vaillant. Je vous dirigerai presque vers les Labourdais, l'autre série de Jean Graton, tout à fait ignorée et occultée par Michel Vaillant. Il y a eu 7 ou 8 albums. Oui. Il y a une intégrale, je pense, qui sortira cette année, qui était en fait une histoire, une bande dessinée familiale, qui n'a rien à voir avec l'automobile, mais d'une famille française de la banlieue parisienne dans les années 60, avec l'arrivée des supermarchés, avec l'arrivée de la télévision. On était tout à fait là-dedans. Mais pour en revenir à Michel Vaillant et cette espèce de portrait de société, l'angle automobile, justement, est très intéressant. Si on regarde ce qu'a été l'automobile aujourd'hui, et pour un tas de bonnes raisons, qui est très critiqué, ce qu'elle a amené comme révolution, comme libération dans les libertés de chacun, de circuler, mais de s'émanciper aussi, l'influence qu'a eu l'automobile sur l'architecture, sur nos villes, sur nos maisons, sur notre mode de vie, sur les vacances, c'était une aventure extraordinaire, l'automobile, au XXe siècle. C'est la plus noble conquête de l'homme à ce moment-là, parce que tout est positif. Et il y a une bande dessinée, je m'en suis rendu compte, Michel Vaillant, si on lit ça sous cet angle-là, c'est un témoin presque documentaire de toute cette épopée automobile du XXe siècle, sur le plan humain, sur le plan de la société, sur le plan commercial, industriel, et aussi technologique, sportif et design avec les Vaillantes. Et historique et politique, parce que par exemple, la France de ces années-là, de la fin des années 50, des débuts 60, c'est la France. Alors on voit quelques Français avec un béret comme ça, mais il y en a de moins en moins quand même dans les albums. On voit aussi, c'est avant la fermeture des bases de l'OTAN, par exemple. Mm-hmm. C'est en pleine guerre froide. C'est-à-dire qu'il y a Michel Vaillant qui lui est un humaniste et qui n'est pas un rebelle, mais qui sait ce qu'il veut, évidemment, pour gagner Indianapolis, les 24 heures du Mans et des tas d'autres courses. Il veut, à sa manière, participer au dégel. C'est-à-dire qu'il présente un coureur américain, un coureur soviétique. Mm-hmm. 10 ans avant, le soviétique aurait été le méchant dans la bande dessinée. Là, ce n'est pas le cas. Il y a une espèce d'inversion. Et c'est une époque où les soviétiques étaient encore des méchants dans la bande dessinée. Vous faites allusion au 8e pilote. Mais il ne l'est pas dans le 8e pilote. Cet album, le 8e pilote, non, il ne l'est pas. Je pense que c'est vraiment, encore une fois... audacieux à l'époque. Je pense qu'on parlait de la famille tout à l'heure et puis du respect père-fils. Je pense qu'en gros, les valeurs de Michel Vaillant, ce sont les valeurs du sport. Ce sont les valeurs de loyauté, de dépassement de soi, mais aussi de fraternité, de correction, d'élégance dans le comportement. Et en fait, ça déborde du sport et on se rend compte dans un album comme le 8e pilote qu'il met en pleine guerre froide et à une époque où il y a beaucoup de questions déjà à l'époque sur sur les différentes nationalités, les différents blocs. Il met tous ces jeunes pilotes qui viennent apprendre le sport automobile, qui viennent de milieux sociaux différents, qui viennent de pays différents, il les met dans le même bain. Et bien entendu, face aux conflits que cela génère, Michel Vaillant remet des choses à leur place avec des valeurs qui, je trouve, sont très belles et étonnamment actuelles. Et puis sans s'énerver, il répond à un petit gamin là qui le critique en disant « Oui, vous gagnez beaucoup d'argent en tournant tous les dimanches et puis en gagnant quelques courses et hop, voilà. » Et Vaillant dit « J'ignore si c'est à la sueur de mon front que je gagne ma vie, mais je sais que j'y risque ma peau. La petite course du dimanche, comme tu dis, me demande toute une semaine d'entraînement. Ça demande une parfaite condition physique et m'interdit de mener la grande vie. Pas d'alcool, pas de tabac. Mon père, mon frère et moi travaillons plus que n'importe qui. Ce travail et les risques que je prends permettent de faire mieux vivre des milliers d'ouvriers. » Le glorieux moment où je reçois le bouquet du vainqueur, eh bien, je l'ai bougrement bien mérité. Oui. C'est un héros. C'est un héros, c'est mais, un héros mais il sait ce qui est sa place dans la société. Bien sûr. Bien sûr. Il y a une analyse très bonne, je pense, et une vraie recherche qui a été faite par Xavier Schimitz, qui a écrit les textes de la biographie, sortie en fin d'année dernière. C'est hors collection. Demande, mais c'est qui Jean Graton ? C'est un type de droite qui prône des valeurs du MEDEF, c'est un gaulliste. On voit un moment que Michel Vaillant, dans un album, son père montre une photo de Michel Vaillant qui était chez les parachutistes. Et puis d'un autre côté, il y a ces valeurs qui sont transmises dans le 8e pilote. Il y a ce qui se passe avec... il y a plein d'autres exemples. Il y a le questionnaire donne... Proust, Jean Graton répond voilà. Quelle est la pire des injustices ou ce que vous trouvez de plus ignoble dans l'histoire. Il dit finalement l'attitude des militaires pendant l'affaire Dreyfus. Oui. Oui, et donc c'est beaucoup plus complexe qu'on ne le pense et beaucoup plus riche. C'est pas du tout. C'est étonnant parce que Michel Vaillant a été en quelque sorte caricaturé par le sport automobile, qui est un sport avec beaucoup d'argent, avec la bagnole, les vroirs et ces trucs-là. Les vroirs et les vroams. Ouais, Maître Poulain en parle très très bien. Hervé Poulain, si vous voulez. Oui. Et Michel Vaillant a été caricaturé en quelque sorte par ça, et ça occulte toutes ces valeurs et tout un autre aspect de cette série. Et cette série elle-même, Michel Vaillant, a aussi occulté la diversité de ce qu'a fait Jean Graton en tant qu'artiste et dessinateur. Alors, vous évoquiez, Philippe Graton, le travail, les textes de Xavier Schimitz. Jean Graton et Michel Vaillant, l'aventure automobile, ça a apparu donc en fin d'année dernière chez Hors Collection. C'est un volume de 4, 5, 6 kilos peut-être, et c'est une bible pour les admirateurs de Vaillant, bien entendu, mais de Jean Graton, surtout ce qu'on apprend tout sur lui, sur ses débuts, sur la course automobile, en effet, et puis sur les rapports d'autres coureurs, enfin de... réels coureurs automobiles dans la bande dessinée. Enfin voilà, il était à l'affût de ce qui se passait, évidemment, dans la vraie actualité. Il en tenait compte perpétuellement. Mm-hmm. Il se documentait. C'était une action dans son époque. Enfin d'ailleurs, semaine après semaine, dans le journal de Tintin, ça, il tenait évidemment compte de l'actualité. Oui, René Goscinny s'est cité, je pense, dans cette belle biographie. René Goscinny a dit que Jean Graton était une des personnes qui avait changé la bande dessinée parce qu'il avait été le premier à quitter sa planche à dessin, sa table à dessin, pour aller faire de véritables repérages dans les lieux de l'action et finalement apprendre à toute une génération de lecteurs ce qu'était le milieu de l'automobile et du sport automobile. Avant la télévision même. Alors ce qu'on apprenait surtout, c'était ce qu'était la bonté, la générosité, le courage, l'amitié, la force face à l'adversité. C'est ça que les enfants, les préadolescents apprennent. En tout cas, j'imagine qu'il y avait une volonté pédagogique, ou en tout cas, non pas du tout moralisatrice, mais en tout cas morale. Moraliste, un peu. Oui, oui. Pas moralisatrice, mais moraliste. Disons que la BD de ces années-là, c'est vrai qu'elle est destinée à la jeunesse. Et donc il faut... Mais ceci dit, Jean Graton, à cette époque-là, ne se force pas. Ces valeurs-là, ce sont les siennes. Il ne suit pas un mot d'ordre de la presse pour la jeunesse. Il veut transmettre ce en quoi il croit. Et ces valeurs de Michel Vaillant, qui n'ont pas toujours été les valeurs les plus à la mode, en traversant toutes les années qu'a traversé Michel Vaillant, il faut croire, étaient en fait les bonnes parce qu'elles ont tenu le coup. Et aujourd'hui, dans la nouvelle saison de Michel Vaillant, où on a adapté énormément de choses à la modernité, on a tout changé sauf ces valeurs-là, qui tiennent toujours la route, en fait. On va y venir, Philippe Graton, à cette nouvelle saison, nouvelle vie, peut-être, de Michel Vaillant. Mais puisqu'on a cité le livre de Xavier Schimitz et de vous, Philippe Graton, Jean Graton et Michel Vaillant, l'aventure automobile chez Heure Collection, il faut citer aussi le Michel Vaillant, le pilote sans visage, donc par Jean Graton. C'est un tirage en noir et blanc, mais on ne va pas pouvoir ne pas écouter, parce que ça nous fait plaisir, un tout petit extrait d'une course qui est dans le pilote sans visage. Visage, suspense dont on ne dira rien, bien entendu. Si je comprends bien, je ne me bats plus que pour la troisième place. Et encore, à condition de rester collé à la mystère. Et lui, le pilote sans visage, quel jeu joue-t-il ? Il ne court pas pour une marque connue, il reste anonyme. Et d'ailleurs pas un excellent pilote. Mais avec sa mystère, il me laisse sur place quand il veut. Il n'y a que le russe qui semble le mettre en difficulté. Parce que notre ami Warson, lui, je crois bien qu'il ne finira pas la course. Sa voiture a une mauvaise assiette. Tiens, la mystère ralentit. Je vais peut-être pouvoir la doubler. Oui, j'y vais. Il l'a doublé. Oui, monsieur Vaillant. Oh, mais regardez, il m'a buté dans la Ferrari. La Ferrari. Elle gênait la mystère, c'est pourquoi il a ralenti. Mais je n'arriverai jamais à la doubler, elle aussi. Et pourtant, je dois me rabattre maintenant, avant le virage. Je roule trop à l'extérieur. La Ferrari, elle dérape. Je dois l'éviter. Pas à droite, il y a la mystère, mais à gauche, c'est le fossé. Et voilà le virage. Je dérape aussi. Mon Dieu, protégez-moi. Aïe, aïe, aïe, aïe. Un extrait du Pilote sans visage, donc, de Jean Graton, adaptation Maurice Chevit, réalisation Pierre Marteville, dans la collection Les Disques d'Aventure. C'est des CD que l'on peut trouver sur le site La Bande Décidée en CD. J'ai pas donné le nom de l'interprète de Michel Vaillant, c'est Bernard Véron. Le Pilote sans visage, donc, en réédition chez Dupuis, en grand format, en noir et blanc, ça vit, ça cohabite avec les nouvelles aventures de Michel Vaillant. Oui, alors c'est étonnant parce que le Pilote sans visage, c'est 1959, dans la réalisation, mais c'est un album qui marque toute une génération de lecteurs de Tintin, parce qu'ils découvrent cette aventure en prépublication deux planches par deux planches chaque semaine. Donc, avant de savoir qui est le pilote sans visage, ça met 6 mois. Et il y a un des moments qui a marqué cette jeunesse, c'est que une des dernières semaines où on va savoir qui est le pilote sans visage quand il descend de sa voiture et qu'il s'apprête à ôter son casque, c'est évidemment la dernière case de cette double penche, et il faut nouveau attendre une semaine, voilà. Ouais. C'était la semaine la plus longue de beaucoup de jeunes lecteurs à cette époque-là. Mais ça, c'est une très belle édition, c'est un tirage limité qu'a fait Dupuis, parce qu'on a rassemblé à la Fondation Jean Graton la totalité des planches originales, qui donc sont conservées là, et ça a permis de faire de véritables facsimilés, pratiquement taille 1 sur 1 de ces planches originales. Et c'est un livre dans lequel on peut passer des heures parce que on voit la façon dont l'auteur travaille. On voit les crayonnés qui n'ont pas tous été gommés, on voit les fautes qui ont été marquées en marge par son épouse et ensuite grattées à la lame de rasoir et corrigées. On découvre énormément de choses. Jean Graton était un des rares dessinateurs à faire ses traits à l'encre de Chine, non pas à la plume, mais au pinceau, ce qui donnait énormément de souplesse, mais on s'en rend compte plutôt là-dessus que dans les albums traditionnels. Alors ça, c'est le héros de Michel Vaillant. Il y a aussi des scènes très héroïques, évidemment, où, par exemple, il donne son propre sang. Il est compatible avec le sang de Steve Warson, qui est son adversaire au début, puisque pour avoir un ami à la vie et à la mort, il faut d'abord qu'il ait été un adversaire, peut-être. Donc, Philippe Graton, qu'est-ce qui nous arrive, là, depuis quelques années, un nouveau Michel Vaillant, avec la même famille, avec même une famille un peu agrandie, puisqu'il a un fils, d'ailleurs qui est né presque il y a une trentaine d'années, mais qui a une quinzaine d'années, en fait, dans la bande dessinée, maintenant. Oui, voilà, c'est le miracle de la BD. Bah voilà. Et le tout dernier album, Collapsus, est paru en fin d'année dernière. Je ne sais pas trop qu'en dire, sinon qu'il est excellent, mais qu'il n'est pas très réjouissant, quand même. Enfin, Si. Et c'est un album dans lequel il se passe des choses graves, parce que Il faut lire les trois précédents. Hein. Faut pas commencer par Collapsus. Faut avoir d'abord Au nom du Fils, Voltage et Liaison dangereuse. Je suis ravi qu'il vous ait plu et je partagerai ce compliment avec Denis Lapierre, qui est mon co-scénariste, et puis Marc Bourgne et Benjamin Beneteau qui font les dessins. L'idée de la nouvelle saison de Michel Vaillant, elle m'a pris il y a 5 ans. Parce que j'étais à la veille d'écrire le nouveau scénario du 71e Michel Vaillant. Et ce matin-là, je me levais en soupirant. Et je me suis dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Et j'ai cherché à comprendre quoi. Et il y avait en fait plein de choses qui n'allaient pas. Ces personnages créés dans les années 50, comme on les décrit tout à l'heure, et qui ont fait un parcours remarquable d'ici là, ne convenait plus pour moi dans leur côté très très caricatural et manichéen à la BD contemporaine, et puis au lectorat et au public d'aujourd'hui qui était habitué à toute autre chose avec les séries télévisées, avec le cinéma. On exige davantage une histoire, on veut plus de profondeur psychologique chez des personnages pour qu'on puisse y croire. Donc il y avait ça déjà du côté dramaturgique, je dirais, qui me calait un peu. Il y avait sur le plan du dessin le fait que c'était... toujours les anciens assistants de mon père, qui lui avait posé le crayon vers les années 2000, qui avait repris le dessin, mais il n'y avait plus d'auteur. Il n'y avait plus une personne qui avait une vision sur sa planche. Et puis, il y avait aussi le fait qu'il se passait, qu'il se passe actuellement dans l'automobile, tant sur le plan sportif qu'industriel, que technologique, même sur les enjeux géostratégiques. Il se passe tellement de choses aujourd'hui, on le voit encore, on l'a vu dans l'actualité de la fin de l'année dernière, il se passe encore tellement de choses autour de l'automobile que je voulais réancrer Michel Vaillant dans cette aventure du 21e siècle. Ce qu'il fallait, c'était ne pas décevoir évidemment les anciens lecteurs, encore que peut-être que les nouveaux lecteurs de Michel Vaillant. C'était un risque à prendre. Oui, oui. C'était un risque à prendre. Donc déjà, ça pouvait plus être le 71e. Donc il fallait repartir à zéro quelque part. Donc l'idée de lancer ce nouveau départ de Michel Vaillant, je ne pouvais le faire que dans une nouvelle saison, recommencer avec un numéro 1. Et là, c'est le tome 4 de cette nouvelle saison qui est sorti fin d'année dernière. Et c'est en quelque sorte la fin du premier acte. Je voulais, c'est vrai, remettre les héros en difficulté, au pied du mur, leur redonner de nouveaux enjeux et faire en sorte qu'il y ait un nouveau souffle et que le lecteur aussi tremble un peu pour eux. Alors ça, oui, parce qu'il y a des séries, puisqu'on en a parlé déjà la semaine dernière, on en a parlé cette nuit, en début de nuit, il y a des héros dont les reprises finalement jouent justement très précisément l'imitation du passé. Enfin d'ailleurs, ce n'est pas condamnable. Vous, c'était pas ça, Philippe Mireton. Non, c'était pas ça, parce qu'il y a des héros aussi qui sont prisonniers de leur temps. Blake et Mortimer et Astérix, ils sont, pour ne citer que ceux-là, ils sont par la force des choses dans un univers de temps et de décor auquel on ne peut pas toucher. Michel Vaillant, depuis le départ, il évolue avec son temps, avec les voitures de l'époque, avec les circuits de l'époque. Rendez-vous compte que Michel Vaillant a couru contre Fangio et Jean Béra, et que voilà, il court aujourd'hui maintenant en Formule électrique. Donc c'est un sacré parcours. Donc ça, on pouvait se le permettre. C'était dans l'ADN de Michel Vaillant de coller avec son temps. En revanche, amener des changements aussi profonds, toucher à la psychologie de certains personnages, amener des failles à Michel Vaillant, ce qu'ils n'avaient pas, les héros des années 50 n'ont que des obstacles externes. Ce sont toujours des méchants qui s'attaquent à eux. Étrangers donc, d'ailleurs à leur pays. Voilà, dont ils vont triompher puisque ce sont des héros. Dans la nouvelle saison, on est plus, je dirais, en phase avec ce qui se passe aujourd'hui en dramaturgie, c'est-à-dire qu'une bonne partie des obstacles sont internes. Que ce soit vous, moi ou n'importe quel auditeur, on sait très bien que les coups durs qui nous sont arrivés dans la vie, on a aussi un peu de responsabilité. Ce sont nos faiblesses ou nos limites qui ont provoqué des choses. Les héros ne pouvaient pas connaître ça. Aujourd'hui, je pense que oui. Et s'interroger un petit peu sur la nature de Michel Vaillant, qu'est-ce qui le fait piloter et pourquoi court-il ? Je trouvais ça intéressant, d'autant plus que apparemment ça donne un résultat intéressant. Et ce passage de la lecture du Michel Vaillant de 2015, de début 2016, à la lecture des intégrales qui reparaissent donc chez Dupuis et qui vont reparaître, parce qu'il y aura combien d'albums ? Une vingtaine ? Alors l'intégrale Michel Vaillant, c'est 20 tomes d'environ 200 pages. qui reprennent toutes les aventures de Michel Vaillant, y compris celles qui n'étaient pas parues en album, parce qu'il y a eu beaucoup d'histoires courtes, mais avec chaque fois une postface écrite par un journaliste spécialisé du sport automobile qui raconte le sport automobile de ces années-là. Donc c'est 20 tomes d'environ 200 pages. Donc, qui nous raconte, encore une fois, cette, les 70 dernières années, non, 60 ? J'ai du mal à... 60 ans ? Ce sont les 50 premières années de Michel Vaillant, on va dire, donc, l'intégrale. Voilà, donc Michel Vaillant a pris quoi ? 5, 6 ans, 10 ans, 15 ans peut-être aujourd'hui. Ah, il a vieilli sur 50 ans ? Aujourd'hui, il a quel âge ? 45 ans ? Non, certainement pas. Il doit avoir à peine 40 ans. Il doit avoir l'âge qu'avait un Nigel Mansell en Formule 1, c'est-à-dire 38, 40 ans. Il a un fils de 17 ans, c'est plausible. Qui, lui, est un rebelle. Ah oui ! Bien entendu. Rebelle, quoi donc ? Oui, un rebelle quand même qui veut aussi rentrer, qui veut créer des belles voitures, de nouvelles voitures. Enfin. Non, il n'est pas. Alors lui, justement, il est. Alors qu'on s'attend à ce qu'il rentre comme chaque membre de la famille Vaillant qu'il rentre dans le moule et se mette au service de la marque et de l'entreprise familiale. Eh bien, surprise, c'est pas le cas. Il veut pas. Et au début. Enfin, dans le oui, au début. Non, mais il va pas rejoindre. Non, il va non pas la famille Vaillant, mais comme lui, il l'appelle le clan Vaillant. Oui, c'est un alternatif, lui. Voilà. Oui, lui, c'est plutôt un petit génie de la pile à hydrogène. Mmh. Et avec sa bande de potes à moitié hackers, ils vont à un moment donner un coup de main parce que il va y avoir un problème chez Vaillante. Mais le personnage le plus symptomatique à ce sujet-là, je pense que c'est Françoise, la femme de Michel Vaillant, qui apparaît la première fois dans le 13 est au départ comme une petite journaliste insupportable. Elle change de nom. Espiègle. Loutard ou insolente. Oui, voilà. Et qui très va jolie. En fait épouser Michel Vaillant. Mmh. Et à partir du moment où elle épouse Michel Vaillant, ce personnage tout à fait rafraîchissant, cet électron libre, va devenir plus vaillant que les Vaillants. Et dans la nouvelle saison, c'est étonnant parce que c'est peut-être la gardienne du temple Vaillant la plus féroce. Elle va bien entendu s'opposer à son fils dont elle ne comprend pas qu'il ne serve pas la marque comme tout le monde. Elle ferait bien de surveiller aussi Michel Vaillant et les nouvelles journalistes. Des nouvelles générations de journalistes. Je vous disais attentivement. Oui, les lecteurs comprendront. On n'aura pas le temps, Philippe Graton, de parler des vroap. Ça, c'est pour les voitures de course. Des vrou, c'est les voitures de ville. Des freins qui font parce que il y a le texte qui est très beau. On s'exprime très bien dans les bandes dessinées de Jean Graton et puis de Philippe Graton chez Michel Vaillant. Bon, le dessin, ça va de soi. Mais les onomatopées des voitures, enfin, on dit pas ok, il n'y a pas de vulgarité dans les personnages, mais les voitures, elles s'expriment. Ah, elles accélèrent. Elles font plus de leur gueule que les personnages. Oui. C'est vrai, mais c'est toute une grammaire, c'est pas juste des vroirs et des vrooms. Non, non. Je pense que c'est justement Maître Hervé Poulain, un spécialiste et de l'art contemporain et de l'automobile, qui avait dit que Jean Graton avait inventé la bande son dans un art muet. Mmh. Et donc, il faut dire qu'on peut aussi s'intéresser à Michel Vaillant, adorer Michel Vaillant, ce qui est mon cas, sans s'intéresser à la voiture. Je ne m'intéresse absolument pas à la voiture, ni aux courses automobiles. Vous comprenez ce que je veux dire, Philippe Graton ? Ça veut dire que c'est un monde, c'est la bande dessinée que j'aime, que je lis, mais jamais j'irai voir les 24 heures du Mans, etc. Pour moi, ce qui est la voiture automobile, c'est Michel Vaillant, c'est tout. Je pense que c'est un héros très attachant, qui vit des véritables aventures. Des exploits, voilà. Et dont une bonne partie se situe dans le milieu de l'automobile. Mais ce n'est pas juste qu'un pilote de course. Non, il y a Koenigsfeld aussi, dans un album magnifique. Bon, on n'a pas le temps de tous les citer. Tous les trois ou quatre albums, il y a des albums qui se passent totalement en dehors de la course, comme Route de nuit et comme Collapsus qui est sorti... Voilà. Avec Roland Dordain, de l'ORTF, un personnage, ou de l'ARTF même. Bref, les auditeurs aussi s'intéresseront à toutes les intégrales Michel Vaillant et puis aux quatre derniers nouveaux Michel Vaillant que vous scénarisez, Philippe Graton, avec Denis Lapierre et Bourgne et Beneteau au dessin. C'est chez Dupuis, dont le dernier Collapsus est paru l'année dernière. Il faut absolument le lire et s'inquiéter pour le cinquième. Comprendrez. Michel Vaillant, le pilote sans visage, une très belle version noir et blanc, grand format, un tirage à part que certains auditeurs ont dû s'offrir pour les fêtes, certainement. Et puis le livre de Xavier Schimitz et de vous, Philippe Graton, Jean Graton et Michel Vaillant, L'aventure automobile, c'est chez Hors Collection. Et là, on apprend absolument tout sur ce héros et sur Jean Graton. Oui, Michel Vaillant qui a finalement un peu occulté la diversité du talent et de la production de Jean Graton, qui a commencé comme dessinateur de presse et qui a fait d'autres séries avec notamment des héroïnes, pas seulement des héros. Mmh. En tout cas, tout ça chez Dupuis, Dupuis va nous promettre de très belles intégrales, donc on a des décennies encore à redécouvrir Jean Graton. Merci Philippe Graton. Avec plaisir.